Chapitre 34. Affaire terminée. Correspondance aigre-douce. Le lendemain, Mademoiselle Primrose rentra un peu troublée, longtemps avant le dîner. « Mes enfants, dit-elle à Geneviève et à Jacques, qui l'attendaient en causant, il faut que j'écrive à votre coquin d'oncle pour avoir son consentement au mariage de Geneviève. Je viens de chez le notaire, qui est son subrogé-tuteur. Il m'a dit avoir su par M. Dormer que j'emmenais Geneviève à Rome, que son oncle comptait s'opposer à ce départ et reprendre sa nièce chez lui jusqu'à sa majorité, qu'il en avait le droit et qu'il en userait. Vous devinez comment j'ai reçu cette communication. J'ai raconté alors dans tous ses détails à ce notaire, qui est un brave homme, les procédés soi-disant paternels de cet homme abominable. J'ai terminé par le récit du vol commis par son fils et attribué au pauvre Rame. Et comme il ne pouvait croire à de pareilles iniquités, j'ai tiré de mon portefeuille la lettre écrite par cet horrible Georges et je la lui ai fait lire. Il en a été aussi indigné que nous l'avons tous été. Geneviève. Quelle lettre, ma cousine? Comment se trouve-t-elle entre vos mains? Mademoiselle Primrose. Celle que ce monstre a osé t'écrire pour te demander ta main. Tu l'as laissée dans ta chambre. Je l'ai vue, j'ai reconnu l'écriture, je l'ai lue, et je l'ai emportée, en remerciant Dieu d'avoir mis entre mes mains une preuve, la seule que nous ayons, de la scélératesse de ce misérable. Je suis ressortie aussitôt pour que tu ne puisses deviner que c'était moi qui la tenais. J'ai raconté à ton subrogé tuteur ta cruelle et longue maladie qui t'avait mise si près de la mort. Il est convenu que M. Dormer, après une pareille conduite, devait être dépossédé de sa tutelle, mais qu'il faudrait pour cela que je lui intentasse un procès qui amènerait le déshonneur de son fils. Que pour éviter ce malheur, il valait mieux lui écrire pour avoir l'autorisation tant pour le voyage à Rome que pour le mariage avec Jacques. Et il m'a conseillé de le faire le plus tôt possible et dans les termes les plus doux, sans reproche et sans témoigner aucune incertitude de son consentement. Il viendra demain chez moi pour voir Geneviève et Jacques et faire connaissance avec sa pupille et son fiancé. Je lui ai laissé la lettre de ce scélérat de Georges afin qu'il la garde comme pièce de conviction. Je vais écrire tout de suite à votre misérable oncle et nous verrons s'il osera me refuser. Mademoiselle Primrose sortit. Geneviève. Mon Dieu, encore des chagrins, des inquiétudes. Jacques. Ne t'effraie pas, ma bien-aimée Geneviève. Votre oncle ne peut pas refuser son consentement. Quand il connaîtra la lettre de son infâme Georges, il se gardera bien de provoquer un procès qui lui démontrera clairement ce qu'est son fils. J'avoue que j'éprouve une grande satisfaction en pensant à ses regrets, à ses remords, quand il verra si évidemment comment il a payé ton noble et généreux silence. Je ne puis te dire jusqu'à quel point je me sens indignée, révoltée, quand j'arrête ma pensée sur la conduite de ton oncle et de son fils à ton égard. Toi si douce, si bonne, si vraie. Ainsi je bénis l'excellente Mademoiselle Primrose de s'être chargée de toi. Je sais qu'elle a des défauts. Qui est-ce qui n'en a pas? Mais quand je vois son dévouement, son affection, je ne puis qu'excuser ses imperfections et sentir augmenter pour elle ma tendresse et ma reconnaissance. Geneviève. Mon bon, mon cher Jacques, que tu es bon, comme j'ai raison de t'aimer de toutes les forces de mon cœur. Mademoiselle Primrose rentra, tenant une lettre à la main. Mademoiselle Primrose. Tenez, mes enfants, voici ce que je lui écris. Vous êtes intéressés dans cette affaire? Je désire avoir votre approbation. Mon cousin, j'ai eu de la peine à lui donner ce nom. Je vous écris comme au tuteur de ma chère Geneviève. Sa santé très ébranlée demande un changement d'air, de climat et une suite de distractions. J'ai pensé à un séjour à Rome et je désire avoir votre consentement, toujours comme tuteur, pour ce long voyage. Je vous adresse par la même lettre une seconde demande plus importante encore. Elle aime depuis son enfance votre neveu Jacques de Belmont. Leur tendresse est réciproque et cette union est considérée par eux et par moi comme devant faire le bonheur de leur vie. Je ne doute pas de votre consentement, mais je désire l'avoir par écrit pour agir à coup sûr. Ayez l'obligeance de me répondre courrier par courrier, car j'ai hâte d'emmener Geneviève dans un climat approprié à son état de santé. Veuillez croire que cette lettre, importune, je le crains, m'est dictée par une absolue nécessité et agréer l'assurance de tous mes sentiments. Cunégonde Primrose. Jacques. très bien, chère mademoiselle. Elle est polie tout en étant froide comme elle doit l'être. Il ne peut pas vous refuser. Vous aurez une bonne réponse. » Mademoiselle Primrose. « Que Dieu t'entende, mon amie. Moi qui le connais depuis près de 40 ans, je crois qu'elle sera mauvaise. Mais ne nous en effrayons pas. Nous avons des armes, et le brave notaire le persuadera, la lettre et la loi à la main. » Le lendemain, le subrogé tuteur de Geneviève vint déjeuner. Il parut très content de sa pupille et de Jacques, approuva chaleureusement l'engagement dans les oeuvres pontificaux, et demanda à Geneviève de lui raconter la scène du vol de Georges. Geneviève fut très émue de cette demande et supplia son tuteur de la dispenser de ce pénible récit. Le notaire. « Je suis fâché, ma chère petite pupille, de vous obliger à recueillir ces douloureux souvenirs. Mais c'est nécessaire, croyez-moi, il faut que je sache tout, car j'ai une rude opposition à vaincre. » Geneviève, pâle et tremblante, raconta dans tous les détails les paroles et les actions de Georges. Elle expliqua comment elle était cachée à ses regards par le renfoncement de la bibliothèque et par la colonne. Pour mieux lui faire comprendre ce qui lui paraissait peu clair, elle voulut crayonner le plan de la bibliothèque, mais sa main tremblante laissait échapper le crayon. « Jacques, dit-elle, toi qui connais la bibliothèque, dessine-la, je t'en prie, je ne peux pas. » Jacques, ému lui-même de l'émotion de Geneviève, traça le plan d'une main mal assurée. Mais le notaire le comprit et pria Geneviève de continuer son récit sans en rien omettre. Elle redit les paroles que Georges avait laissées échapper en parlant d'elle et continua jusqu'à la fin. Le notaire. « Comment ne vous êtes-vous pas montré quand il a manifesté le désir de s'emparer d'une partie de l'argent de son père ?» Geneviève. « Le peu de mots qu'il avait dit en parlant de moi m'avait tellement révoltée que je ne voulais pas subir devant lui la honte de les avoir entendus. L'idée ne me vint pas jusqu'au dernier moment qu'il aurait l'infamie de voler son père. Et quand je le vis compter 10 billets de 1000 francs et les mettre dans sa poche, il était trop tard. J'eus peur et je me suis sentie si tremblante, si prête à défaillir, que je ne pus ni parler ni faire un mouvement. Ce ne fut que quelques minutes après son départ précipité que j'eus la force de m'approcher du fauteuil pour y tomber. » Geneviève fondit en larmes. Jacques se précipita vers elle et lui prit les mains qu'il baisa affectueusement. Le notaire. « Pauvre petite, je comprends la terrible émotion que vous avez dû éprouver. Je vous remercie de votre courage en me donnant tous les détails de ce crime, car c'est véritablement un crime qu'il a commis. Mais je trouve qu'il est encore surpassé par son attitude dans la scène que vous a fait subir votre oncle, et oser ensuite écrire la lettre que j'ai entre les mains. Son père la lira, c'est une justice à rendre. » Geneviève, les mains jointes et d'un air suppliant. « Oh, monsieur, mon pauvre oncle, vous le tuerez, il aime tant son fils. » Le notaire. « Non, ma chère enfant, il n'en mourra pas, et il mérite cette punition que vous avez voulu lui épargner par votre héroïque silence. Les misérables. Soyez tranquilles sur votre avenir, mes jeunes amis. Je ferai disparaître tous les obstacles que vous redoutez. Adieu. Je vais préparer l'acte de désistement de la tutelle de votre oncle. L'excellente mademoiselle Primrose restera maîtresse de vous diriger, comme elle l'a fait jusqu'à présent, avec un cœur de mère. Je reviendrai vous voir le plus souvent que je pourrai. » Le notaire salua mademoiselle Primrose, baisa la main de Geneviève, serra fortement celle de Jacques et sortit.